J'avance dans le bon sens, m'amène, j'écoute plus la politique. En coup de pute et gros litige, j'esquive les impolis de flics. Fuck ton rap game, moi si tu me laisses une place dans ce biche-carotte. Marre de la street, faut que j'aille où je vis, c'est loin des plages de biscarotte. Rien que sa carotte, joue pas le Mario Kart. Oui, pour qui ça carna, depuis j'esquive les bananes comme dans Mario Kart. Oui, c'est cuit, ils s'en tapent du cuit. Veulent du cul, bloquer les billets comme en 48 sous leur 3,48. Plus dans l'obscurité, nous on voit pas de soleil qui brille au large. Ma gueule, tu veux percer, oublie le rap et fais du bricolage. Je peux pas te blairer, man. Et quand je t'écoute, je trouve que tu feras mal. En plus, ton groupe perd tellement de membres que tu peux l'appeler Rayman. Bah, et mon petit, si tu sais pas, la vie c'est des hauts et des bas. Mais surtout, plus de bas que de haut, donc sois pas émotif. Dans ce monde, j'évolue pas et c'est normal que ma daronne elle flippe. Je reste à l'ancienne, je me bute encore sur les classiques Daron et Flint. On vit dans ce monde où même les petits sont plus corrigibles. Où les daronnes elles pètent des câbles et elles deviennent psychorigides. Tout le monde serre la ceinture, la France est mise sec au régime. On fuck les lois, on obéit qu'à celles qu'on régit. J'avance mais je suis en dilettante, perdu comme dans un dîner temps. Quand je vois des petits qui dealent les ventes, les plus coriaces qui pillent les banques. Bah ouais c'est quoi tout ça. N'oublions pas que les frères sont pas tous là à la recherche de nos repères comme ce gosse issu d'une part tout cela. Bienvenue en 2012, en fait c'est juste une année de plus vers le destin qu'on évite tous pour pas finir sous l'arrêt de bus. Ma jeunesse on l'arrête plus, elle se défonce à l'arrêt de bulle. Et à vrai dire, je crois qu'à vos discours elle adhère plus. Pour passer le temps avec les frères on pille à ma vie, c'est moi que je lui tends. Car ce n'est une partie de billard, on s'organise comme l'OTAN pendant que tu t'éparpilles. Billard, je ne viens pas tester mon clan, tu verras que chaque MC est pliable. J'adhère plus à vos traps, besoin d'air pur, pas le moral. Je veux des trucs abordables sans études patronales. Je trouve ma plume pas trop mal, ça t'a plu, t'es trop mal. Nique les putes, pas besoin de putes pour des tubes, des trônards. J'adhère plus à vos traps, besoin d'air pur, pas le moral. Je veux des trucs abordables sans études patronales. Je trouve ma plume pas trop mal, ça t'a plu, t'es trop mal. Nique les putes, pas besoin de putes pour des tubes, des trônards. Y'en a ras-le-bol du rap game, ouais. On adhère plus à ces querelles de people. On a besoin d'air pur, on picole. On côtoie la merde, tu m'en s'isole. Crois pas qu'on s'acclimate à la grisaille. Nos vies des séries chum, on enchaîne les mauvais épisodes. Ta vodka des et Miro sont avec des mots séries qui sortent, ouais. Hip hop freestyle, on a des vies trop bizarres. J'mets pas de que quand j'pillave, j'ai pas accès aux îles tropicales. Fautif car on kiffe pas la façon dont ils procèdent. On nique la politique, c'est par le rap qu'on va riposter. On adhère plus, c'est chum comme on chavire. On galère, on trim, mais dites-moi quand on commence à vivre. Le temps d'une HK, d'un spliff ou d'un coca sky. On se prépare au pire, mais en attendant, on pose la face. Un jour, elle se propagera. Pour l'instant, elle reste en secrète. Des malins, des 100 balles, et ça va résonner d'est en ouest. Ils nous enferment tous dans des cages, donc comprends-moi quand je parle de liberté. Nos rues ont plus de stars que le visage d'un gosse à la puberté. Je crois que j'ai tellement merdé que ma tête est rongée par des tas de remords. Et quand je vois pas l'avenir, c'est dans ces moments-là que le rap me porte, j'ai grave le mort. Ici, pour être tranquille, faudrait qu'on s'arme. Le monde du rap est une gay pride. Pour ça que je te le dis, vas-y, arrête ton char, la vie n'a pas de charme. Et t'en perds même des frères, fais gaffe, il n'y a qu'un pas de la chambre d'enfant à la chambre funéraire. C'est quand tu prends de l'âge que tu te rends compte que le bon temps s'achève. J'ai le seum quand je vois Daron Rebou en train de béton de sa chaise. Les jeunes sont tout le temps tristes, la plupart d'eux sont sous l'emprise. J'ai pas la frime, mais dans le checker, c'est toi t'as vu, c'est toi qui as tout compris. J'adhère plus à vos traps, besoin d'air pur, pas le moral. Je veux des trucs abordables sans études patronales. Je trouve ma plume pas trop mal, ça t'a plu, t'es trop mal. Nique les putes, pas besoin de putes pour des tubes, des trônards. J'adhère plus à vos traps, besoin d'air pur, pas le moral. Je veux des trucs abordables sans études patronales. Trouve ma plume pas trop mal, ça t'a plu, t'es trop mal. Nique les putes, pas besoin de putes pour des tubes, des trônards.